Des textes sombres, c'est quasiment tout ce que j'écris. J'aime pas mentir, donc je te dirai pas qu'elle est belle la vie. J'avance toujours, j'essaye de sourire quand des gens m'entourent. Mais trop souvent, j'ai envie de saut du haut d'une tour. J'attends mon tour, la mort sera une délivrance face à la vie et ses déviances. Face à cette putain d'errance, j'ai eu de la chance durant mon enfance. Trop de questions durant mon adolescence pour finir adulte en souffrance. Pourquoi j'arrive pas à me contenter de ce que j'ai? Ça je sais pas, mais voilà, c'est simple, j'y arrive pas. Un quart de siècle où j'en suis, j'ai un taf et des tas d'envies, mais pas la force d'aller au bout, à croire que c'est déjà cuit. Je sais que comparé à d'autres, je devrais avoir honte, mais mon mal à l'âme me tue, et ça c'est simple, je m'en rends compte. Donc je ne peux me le cacher, et je ne peux m'empêcher de lâcher sur papier, car je rappe mes vérités, car je dérape de plus en plus du chemin que je m'étais fixé. À part ce grand trou noir devant, je vois pas où aller. Je sais que mes proches ne comprennent pas toujours mes textes, car mes doutes et mes malaises, y'a que sur un truc, je les laisse. Le reste du temps, je parais heureux, je parais serein. De moi, j'essaye de montrer le bien, j'essaye d'être au mieux. Il paraît que je suis plus lunatique qu'avant, et trop souvent, je veux rester chez moi avec un perso fumant. Le shit, mon calmant, il me tue, mais me permet de vivre. C'est vrai que c'est déstabilisant, c'est vrai aussi que je trouve pas ça flippant. Pour écrire ce texte, impossible d'être à jeun. De toute façon, plus de shit que de sang dans mon système sanguin. Crois pas que je me plains, c'est juste sortir mon mal pour me sentir bien. Empêcher que ma vie tourne en boucle comme un frein. C'est pour ça que mes morceaux sont des couplets sans fin, des bouts de ma vie sans chichi, sans rythme pour certains. Mais je m'en bats les reins, donc voilà, écoute, j'en lâche encore un, en sachant très bien que j'en toucherai au moins quelques-uns. Car ce monde de pute n'épargne personne, car je veux qu'avec le temps mes putains de textes résonnent. Mais je m'en bats les reins, donc voilà, écoute, je lâche rien, en sachant peut-être, non sûrement, que je rappe en vain. Car ce monde de pute n'épargne personne, car avec le temps, moi au moins, je trouve que mes putains de textes assomment. En somme, je continuerai d'aligner voyelles et consonnes, sans espérer que ce soit ma porte que le succès sonne. En somme, je voudrais faire disque de platine, sans Skyrock, sans ma gueule, dans tous leurs magazines. Rester simple et fier, continuer à faire le son que je sais faire. Je vais pas me travestir uniquement pour plaire, hein. Je vais pas me taire, car y'a beaucoup à faire. Et j'aime trop mon art triste, et ça c'est sincère.